Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et j'animerai cette belle émission sur l'automobile avec mon collègue et ami et je peux qualifier cette semaine cet homme de grand voyageur, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Salut jeune homme. Tu t'es promené pas mal dans les dernières semaines. Ouais, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller dans la région de Seattle il y a quelques semaines déjà pour aller essayer la Cadillac XT4 dont je vais parler en deuxième partie d'émission. Oui. Et il y a deux semaines, je suis allé à Santa Barbara en Californie pour essayer la nouvelle Nissan Altima 2019, dont je vais enfin pouvoir parler parce qu'il y avait un embargo dessus jusqu'à vendredi matin, 28 septembre, 9h le matin. Donc, au moment où on enregistre l'émission, l'embargo est encore existant, mais par le temps que l'émission va être en ligne, l'embargo va être levé, donc Marc ne sera pas arrêté par le FBI et tout ça, défoncer sa porte et amené en prison. Je pense que c'est important de préciser que des fois, les embargos sont décidés par les compagnies pour des raisons marketing. Ouais. OK, c'est clair, là, ils attendent que l'auto arrive chez les dealers et tout, puis c'est, je trouve ça correct. En même temps, ça fait partie de leur stratégie. Mais des fois, comme dans ce cas-ci, c'est pour respecter tous les journalistes qui sont là-bas. Parce que depuis le lancement, il y a eu plusieurs vagues de journalistes qui se sont succédés. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'être dans la première vague. Mais si j'avais été dans la dernière qui est allée hier, puis que tout le monde avait sorti sa nouvelle il y a une semaine et demie, ça m'aurait fait royalement suer. Oui, c'est un peu injuste. Ça, je trouve ça correct dans ce cas-là. Puis c'est la même chose pour le XT4 aussi. Là. C'est pas une question de on veut pas que personne parle de l'auto avant telle date. C'est vraiment plus pour donner la chance à tous les journalistes d'avoir passé à travers les vagues d'essais. Là. Fait que c'était c'est ça, la même exactement. Chose. Alors, c'est ça. Parce que des fois, je sais que c'est fait pour des raisons marketing. Écoute, je suis déjà allé à des événements là, où l'embargo était 9 mois plus tard. Ça commence. Tu t'en rappelles plus quand c'est le temps d'en parler. T'es mieux d'écrire ton texte tout de suite puis de le mettre sécurisé à quelque part pour pas que personne le ramasse avant parce que ça, effectivement, 9 mois, ça commence à être long. Ouais. C'est ça. Bon. Mais ça, c'était purement pour des raisons de on attend que la production arrive. T'sais. Mais dans d'autres cas, et comme je te dis, dans ce cas-ci, je trouvais que c'était important de le souligner parce que souvent, les auditeurs pensent « Ah, c'est ça, la compagnie a voulu contrôler les journalistes. » Non, non. C'est juste pour donner la même chance à tout le monde de le faire en même temps. C'est bon. Donc, si on en parle de cette fameuse nouvelle Altima, c'est comment? Oui. Ben, en fait, d'abord, elle est intégrale. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que elle est dans un créneau, tu sais, le créneau des berlines intermédiaires, c'est un créneau compliqué. C'est une catégorie où il y a d'excellents véhicules. À mon avis, les meilleurs véhicules du marché se retrouvent dans cette catégorie-là. Ouais, on en a justement parlé il y a quelques semaines ou la semaine passée. Là, que c'est une catégorie très, très compétitive avec des voitures qui sont majoritairement excellentes, mais que le monde boude parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais. Sauf que dans ce cas-ci, ben, il fallait trouver une façon pour la Nissan de se distinguer et c'est en lui implantant un rouage intégral. Oui, ce qui est rare dans cette catégorie-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Legacy. C'est pas compliqué, là, ça vient de Rick Delca. Il y a déjà eu la fusion. La fusion, c'est ça dans le temps, mais plus maintenant, c'est ça. Non. Fait que, tu sais, donc, on est vraiment assez unique. Le bémol, je dirais, la contrepartie de ce rouage intégral-là, c'est qu'on a choisi de le mettre avec uniquement un moteur 4 cylindres 2.5, qui n'est pas le 2.5 qu'on connaît, là, c'est-à-dire qu'ils l'ont amélioré un peu. Au lieu de nous amener leur nouveau moteur qui appelle la compression variable qui a été développée par Infiniti, le 2 litres turbo. Les Américains ont le 2 litres turbo, mais ils l'ont uniquement sur la version traction avant. Donc, nous, comme on a uniquement l'intégrale, on n'aura pas le 2 litres turbo. On va se contenter du 2.5, qui est un moteur qui a été totalement refait, 182 chevaux, 178 livres-pieds de couple. Honnêtement, c'est un peu juste 182 chevaux pour une berline de cette taille-là, en rouage intégral en plus. Ouais, on en perd un peu plus, ouais, OK. C'est ça. C'est pas, tu sais, on n'est pas dans la conduite dynamique et sportive. On va se dire les vraies affaires, là. C'est pas ça le but. On a vraiment voulu miser sur le confort. Tellement, d'ailleurs, qu'on a pris le même type de suspension qui équipe la Maxima, mais on lui a donné une twist encore plus confortable. OK. Donc, on joue vraiment cette carte-là, même si on a essayé de limiter, je te dirais, les interactions trop confortables. On a changé le châssis, la structure au complet. Elle est rendue, elle résiste 15% de mieux à la pression longitudinale, 10% de mieux au roulis latéral parce que c'est de l'acier haute densité. Tu sais, on a vraiment essayé d'améliorer considérablement le comportement routier de l'Altima. mais on n'en a pas fait un véhicule sportif pour autant. OK. Bon, ça aurait été bien avec le moteur turbo, mais bon, on a fait un choix, puis ça va être de voir si ce choix-là va être payant ou pas. Ben, tu sais, moi, je pense que ça va être, tu sais, on veut vraiment miser beaucoup, beaucoup sur l'intégrale. Okay, ouais. C'est ça qui est l'arme secrète de Nissan dans sa déclinaison 2019, là. C'est ça qui est l'intérêt. Ce qui pourrait être un argument de vente au Québec. Ah, ben, clairement. Majoritairement au Québec. Ouais. J'imagine au Canada, dans d'autres régions aussi, tu sais. Ouais. Fait que, moi, je pense que c'est pas un mauvais choix, compte tenu du fait que, pour être tout à fait franc, elle est pas, je dirais, elle est pas aussi raffinée que ne le sont les Camry ou les Accord, par exemple, okay. En termes de conduite. Elle se conduit très bien, là. Prenez pas ça négativement, là. C'est vraiment une bonne voiture. C'est une voiture dont on a bien réussi le design. On s'est inspiré du V-Motion 2.0 qu'on avait présenté dans les grands salons, là. Donc oui, c'est une silhouette qui est intéressante avec la calandre en V en avant, avec une ligne de toit qui est belle, avec une partie arrière qui est bien finie. C'est d'ailleurs un concours de design qui a donné lieu à cette silhouette-là. Il y a vraiment des détails de design. Regarde les blocs optiques avant, comment c'est fait. C'est vraiment bien fait. C'est beau, c'est charmant. L'intérieur est beau aussi. On a considérablement tout remanié, incluant là, bon, les cadrans en avant qui sont plus faciles à lire. On a le fameux écran qui, comme tout le monde, est maintenant logé en haut de la planche de bord au milieu. Là. OK, ouais. Comme tous les compétiteurs, là, c'est placé là. On dit que ergonomiquement, c'est plus facile d'usage, que c'est plus simple, la visibilité est plus facile pour tout le monde. Et ça permet de dégager un peu la console centrale, donc d'avoir un peu plus d'espace. Okay. Tu remarqueras que je t'ai pas encore parlé de la transmission. Je t'avoue que de ce point de vue-là, le jury délibère encore un peu. Là. C'est une CVT? Ouais, c'est une CVT qui fait bien le travail. On a mis des rapports simulés. Elle fait la job. Vraiment, je peux pas dire le contraire. C'est sûr que nous, on était dans la région de Santa Barbara, où on nous a fait conduire dans des routes de canyon, escarpées, sinueuses. C'est sûr que ça sollicite beaucoup, beaucoup la transmission dans un cadre comme celui-là. Alors, c'est sûr que ça sollicite beaucoup, beaucoup la transmission, une condition comme celle-là, mais est-ce que, en ville, là, j'ai rien à reprocher à la transmission. Pour être honnête, là, c'est une transmission qui allait super bien, qui était totalement transparente. Et si tu n'es pas un habitué maniaque crinqué comme nous autres, tu verras probablement pas la différence. Ce qui est en soi une excellente nouvelle. Oui, ce qui est bien. Mais là où ça se complique, en fait, c'est quand vraiment tu décides d'aller dans le plus d'extrême, comme on le fait par la force des choses. Mais là, tu sais, des fois, on a un peu l'impression que la transmission, en tout cas, surtout au niveau de quand elle rétrograde, je t'avoue que j'ai trouvé ça parfois un peu difficile. Mais rien de... Tu sais, quand je te dis, faut que j'admette là que c'est pas triste. Okay. Tu sais, il y a des CVT qui sont un peu plus tristes dans l'usage. Oui. Mais dans ce cas-ci, pas vraiment. OK, c'est bon. Fait que moi, j'ai bien aimé la voiture. J'ai trouvé intéressante. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'elle a ce qu'il faut? Parce que, j'ai oublié de te dire qu'elle a tous les systèmes aussi de sécurité Nissan, là. OK. Détection changement de voix et tout le tralala, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le Safety Shield qu'il appelle, là, le Safety Shield 360. On a aussi greffé le Pro Pilot Assist. Ah, qui est bien. OK. Qui est là aussi. Donc, on n'est pas dans le... Je te dis, c'est une voiture qui est bien équipée, qui est belle, qui est le fun. Ma grande question, c'est est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour lutter contre les ténors de la catégorie qui sont vraiment haut de gamme, là? Tu sais, je le répète, là, c'est... La Camry, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est des véhicules vraiment exceptionnels. Ouais. Moi, je pense que l'Altima se situe bien dans ce créneau-là. Elle a un prix qui est aussi intéressant, 27 998 de base en version S. Il y a une version SV à 31 400, puis une version Platinum, parce que c'est la nouvelle, ça s'appelle comme ça maintenant. Là. Mm-hmm. Au lieu du SL, on avait S, SV, SL dans le temps, puis là c'est... Ça, c'est Platinum à 34 998. Si tu es vraiment décidé, tu vas même pouvoir t'acheter une Edition One, donc une quantité limitée, je pense qu'il y en a une centaine, je ne sais plus combien là. 35 998 $ qui est essentiellement monté sur des roues de 19 pouces, puis qui a quelques éléments, là, bon, la couleur est différente, les roues sont différentes, il y a un becquet arrière, des trucs comme ça, mais il n'y a rien de majeur en différence. OK. Tu sais, comme je te dis, c'est une bonne auto, c'est une auto qui est le fun, c'est une auto qui est relativement dynamique. La question, c'est, elle est peut-être juste un peu borderline, en fait, pour vraiment être capable de concurrencer avec les autres. Chez nous, c'est pas la grande sœur. Elle l'est beaucoup plus aux États-Unis. Je pense qu'elle va continuer de l'être. C'est bon. Donc, on va attendre ça avec impatience. Il nous reste une couple de minutes au premier bloc pour quelques nouvelles. T'as quoi pour nous? Ben, en fait, quelques nouvelles intéressantes. Mazda CX-5, il semble qu'il y a une fuite dans des documents qui ont été remis à des journalistes qui prouvent que le prochain CX-5 va hériter du moteur 2.5 turbo du CX-9. Ah, oh, pourrait être intéressant, ça. Ouais, sur la finition GT, on dit que c'est le bien sûr le 2.5 Sky Active G turbo qui est déjà sur les Mazda 6 et CX-9. Mm-hmm. On parle pas de puissance, on estime que ça pourrait être les 250 chevaux, mais pas 250, mais un peu moins. Et bien sûr, on va avoir le G-Vectoring Control, ce qu'on appelle la force... le contrôle vectoriel des forces G, qui se retrouve sur toutes les gammes. Mais il semble que ça arrive, et ça arrive pas dans... C'est pas une apparition éventuelle, là. On parle pour le modèle 2019, donc les modèles qui arrivent actuellement chez les concessionnaires ou qui vont arriver au cours des prochaines semaines. Ça va être assez vroom-vroom. Dans un CX-5, ça va faire du bien. Ça risque d'être pas mal de fun, puis d'après moi, ça va lui permettre de se positionner. Et la nouvelle que l'on attend toujours, on nous dit, on en a déjà parlé, mais je le rappelle parce que je trouve ça trop drôle, le moteur diesel aurait, semble-t-il, été homologué pour Mazda. Ah, OK. Mais comme le reste, on va attendre qu'il arrive avant de décider, avant de festoyer de quelconque façon. Ouais, j'aime beaucoup Mazda, mais le moteur diesel, là, je suis allé l'essayer il y a plusieurs années, puis... On l'attend encore. Mais ça allait super bien. Je l'ai essayé dans une Mazda 6, ça allait super bien. Mais... C'est un peu ça le running gag, en fait. C'est ça que j'en parle, parce que c'est très drôle. C'est un peu comme le Mitsubishi PHEV qu'on attendait. Ouais, qui est arrivé éventuellement. Là, mais c'est ça. 4 ans, mais on l'a eu. Ouais, au moins, il est arrivé. OK, à part ça? Dans les nouvelles, la semaine prochaine, c'est le Salon de Paris. Ah oui, OK. Que je n'ose plus qualifier de mondial de l'auto. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a au moins 40% de l'industrie automobile qui n'y sera pas. Ah, un peu dommage. Imagine là. Fiat, Opel, Ford, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Volvo, Mazda, Mitsubishi et Volkswagen sont pas au Salon de Paris cette année. Il y en a que ça fait moins mal, là, mais des compagnies comme Volkswagen, qui est le plus gros constructeur mondial, ça fait un petit peu mal. Ford, Jeep. Ouais. Alfa Romeo, qui est une compagnie italienne qui est voisine. Fiat, même chose. C'est impressionnant, là. En tout cas, bref, c'est pour dire qu'on a décidé donc au salon, on va jumeler des motos, histoire de combler les trous, là, probablement. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont aller au Salon de Paris cette année. D'après moi, du côté nord-américain, il y en aura quelques-uns, mais je n'en fais pas partie, malheureusement. Ouais. Salon de Paris qui est aux 2 ans, hein? C'est en alternance avec Francfort? Oui, exactement. C'est une fois aux 2 ans. On dit que du pied carré, ça coûte normalement 175 €. Okay. Pour un constructeur. Fait que si tu imagines que les stands en général ont plusieurs dizaines, voire quelques centaines de milliers de pieds carrés. Ça revient cher pour aller présenter tes autos. C'est ça, exactement. Okay. Alors, ceci étant dit, c'était ça. Sauf que ça n'a pas empêché Volvo de dévoiler son V60 Cross Country. Okay. Le Cross Country qui, comme on le sait, est inspiré de la familiale V60. Donc, écoute, c'est pas compliqué, là. C'est 75 mm de plus en hauteur, rouage intégral. Un petit peu plus long, mais c'est tout. Même architecture globale, même système City Safety, même système Sensus Connect que tu aimes tant chez Volvo. je vais en reparler tantôt. Oui, je sais, mais je t'en parle pareil. C'est bon. Le système pilote assist là, qui donne qui est comme sert de conduite semi-autonome sur les routes balisées jusqu'à 130 km/h. Bref, tous les éléments de sécurité. Ce qu'on dit, c'est que pour le moment, il y a un seul groupe motopropulseur. Moteur turbo 2 litres 4 cylindres. Probablement qu'il y aura des variations hybrides un peu plus tard, mais pour le moment, on n'est pas là. Et tout ça s'est fait au moyen d'un magnifique communiqué, alors que normalement, on fait des grands déploiements. Et une dernière petite nouvelle, mon cher, avant qu'on aille à la pause, parce que celle-là, je dois absolument en parler au risque de me faire encore des ennemis. Elon Musk a été officiellement accusé de fraude par les autorités américaines. Le PDG de Tesla, une plainte a été déposée devant le tribunal de district de Manhattan par la Securities and Exchange Commission, celui qui supervise la bourse américaine, a déposé officiellement une plainte contre Elon Musk pour une série de déclarations fausses et trompeuses concernant notamment, bien sûr, son intention de retirer Tesla de la bourse et qui avait fait perdre pas mal d'argent à pas mal de monde. Donc, il y a officiellement une plainte déposée en cours contre M. Musk pour ses propos sur Twitter. Bon, à un moment donné, il faudrait qu'il apprenne, comme d'autres, il faudrait qu'il apprenne à arrêter de dire tout ce qu'il pense. Des fois, ça fait pas de bien. C'est ouais. Parce qu'en même temps, tu peux pas être PDG d'une compagnie comme ça puis te permettre ce genre d'écart-là régulièrement. Là, ça marche pas. Fait que malheureusement pour lui, c'est ça. Et là, ça peut faire très, très mal parce qu'il va y avoir toute la, je dirais, la confiance de son conseil d'administration qui va être mise à rude épreuve avec ça. Ouais. Juste te faire sourire aussi. J'ai une petite histoire de Tesla que j'ai entendue la semaine passée sur un podcast américain que j'écoute. Le gars s'est acheté une Tesla Model 3. Depuis son achat, elle a passé 20% de son temps au garage pour des réparations. Et puis, Tesla l'a gardé pour faire des tests et essayer de la réparer. Et lui a prêté une Tesla Model X. Et devine quoi? La Tesla Model X a brisé pendant qu'il l'avait aussi. Il est pas tellement heureux. Mais bon, ouais. Écoute. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour la Model 3, là, et je suis quand même content de le dire. Là. Ils ont réussi le test de la NHTSA au niveau des tests de collision, là, quand même. Ouais. Puis en livre, parce que j'en vois de temps en temps sur les routes, là, j'en croise quelques-unes. C'est une belle voiture. C'est moins sexy qu'une S, par exemple, mais c'est une belle voiture quand même. C'est vraiment moins sexy que bien d'autres choses qu'une S, mais en tout cas. Sauf que, tu sais, c'est sûr que là, les maniaques de Tesla nous disent « Regardez, Tesla bat des chiffres de vente, ils battent tout le monde aux États-Unis. » On va juste respirer par le nez. Là. Je pense que ça mérite 2 secondes d'explication. Là. Ouais, j'espère, pas bien plus, par exemple. J'espère qu'ils battent tout le monde aux États-Unis. Ils ont 400 000 commandes à remplir. Ma grande question, c'est quand les 400 000 commandes vont être remplies, c'est quoi le niveau de renouvellement? C'est quoi le niveau de personnes qui vont suivre? C'est là qu'on va voir ça va être quoi le vrai vente. Parce que les ventes qui livrent actuellement ont déjà été faites et annoncées il y a 2 ans. Ouais, c'est comme si on les annonçait 2 fois. Ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, là, ces chiffres-là, j'aime mieux en prendre et en laisser. Et on verra ce que ça va donner pour la suite. Voilà, c'était mon 2 secondes. Merci beaucoup. Je leur souhaite du succès quand même, parce que ça serait bien qu'ils réussissent. Tu sais, que ça aille bien pour un bout de temps puis qu'ils se replacent. Là, mais regarde, moi aussi, mais je leur donne le bénéfice du doute, on verra. Leur plus gros handicap, c'est Elon Musk. C'est pas compliqué. Ouais, autant le gars peut être un génie à certains niveaux, autant à d'autres niveaux, tassez-les de l'administration, vous allez avoir une vraie compagnie. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, arrête de parler, Elon. pas tout le temps. Des fois, il est intéressant, mais des fois, tu sais, mets-toi pas le pied dans la bouche trop souvent. Ben, c'est le Steve Jobs. Tu sais, Steve Jobs, ouais, il est pas capable de gérer une compagnie. Là, c'est pas compliqué. Là. C'est juste ça. Okay. Voilà. On va terminer là-dessus. On va aller respirer un peu dans un sac brun. Et puis, on revient tout de suite avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de, on pourrait dire, nos essais de la semaine, mais toi, tu vas nous parler d'un autre véhicule que tu as essayé. C'est beau Marc, on est revenu, arrête de respirer dans ton sac brun. Quoique je n'étais pas sûr si tu as respiré dans un sac brun, je veux pas savoir si tu as d'autres choses. Bon, tu vas nous parler du Cadillac XT4 que tu es allé essayer dans une région, ma foi, que j'ai jamais visité, mais que j'ai entendu beaucoup de bien, comme quoi c'était très joli, dans la région de Seattle. Je l'étudie, Cadillac XT4. Oh, oui, tu l'as dit. Okay. J'étais parti sur une autre idée, fait que je me rappelais plus. Donc, oui, c'est comment ce Cadillac XT4? Ben, c'est assez cool parce que on veut vraiment viser une clientèle particulière, qui est une clientèle beaucoup plus jeune, une clientèle beaucoup plus. En fait, chez Cadillac, on essaie de pogner les gens de 30 ans là, qui ont boudé cette marque-là pendant longtemps. Parce que honnêtement, on n'avait pas trouvé vraiment la recette pour aller chercher ça. T'sais. Non, puis on a encore l'image de compagnie de personnes âgées. Là. Cadillac a de la misère à se débarrasser de ça. L'XT4, l'XT5 était bien, mais là, on essaye plus petit puis on essaye différent, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est qu'on essaye différent, on essaye plus petit et on essaye vraiment d'aller chercher la personnalité qu'on a implantée. Dans les nouvelles voitures. Là. Tu sais, le XT5, tu en as parlé. Le Cadillac, qui est le Escalade, qui est un succès partout au monde. Genre, là. Fait que c'est vraiment, à mon avis, on essaye vraiment d'aller chercher une nouvelle personnalité. Ah, pour faire ça, il faut pas quand même pas perdre de vue l'image même de Cadillac, qui est un truc de luxe. Mm-hmm. Donc, on est là vraiment. Et on essaie d'aller chercher aussi bon tout ce qui est particularité au niveau de la connectivité et tout ça, bien entendu. On est dans ce monde-là. OK. Regarde, le problème, c'est que le XT4 arrive un peu tard au party, là. okay. Parce que on est dans un monde où, tu le sais, les utilitaires sport de petit format ont la cote. Ouais. Et il y a pas mal de monde qui en ont. Et on veut arriver dans ce format-là du côté de Cadillac. Donc, on est là pour compétitionner le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA, l'Infiniti QX 30. T'sais, on est vraiment dans ce monde-là, mais on le fait plus grand. Okay. Donc, c'est comme un mélange entre les deux. Il y a beaucoup d'espace pour les passagers arrière. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Parce que même si le véhicule n'est pas de très, très grande dimension, il y a beaucoup de place en arrière. Okay. Intéressant petit moteur, complètement nouveau. 4 cylindres, 2 litres turbo, 237 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Avec une boîte automatique 9 vitesses qui est aussi nouvelle. Honnêtement, il est le fun, il est nerveux. Puis, c'est vraiment... Ça va très, très bien. Tu sais, honnêtement, le couple est disponible rapidement. 1500 tours, à peine, tu as 100 % du couple. Puis tu peux l'amener quasiment jusqu'à 5000 tours à 100 % du couple. OK, OK. C'est vraiment une grande, grande plage de puissance. Ça te permet donc de maximiser l'usage partout. Boîte automatique, je l'ai dit, 9 rapports. Puis moi, les 9 rapports, j'ai un petit peu de misère. T'sais. Parce qu'il y en a plusieurs qu'on dirait qu'ils apprennent à compter, là. T'sais, ils changent de vitesse une fois de temps en temps, puis à tout bout de champ. Puis à un moment donné, ça devient complexe. Dans ce cas-ci, elle marche, elle y va, elle roule comme elle est là. C'est vraiment, tu sais, ça roule, ça marche, il n'y a pas de trouble. Okay. Tu peux la mettre en mode éco, la voiture aussi, ce qui te permet donc de désactiver les cylindres quand tu n'en as pas besoin. Donc, ce qui améliore, bien entendu, la consommation de carburant. Difficile pour moi de te donner des chiffres de consommation de carburant parce qu'évidemment, on l'a essayé, tu l'as dit, dans un contexte à Seattle, qui est une belle ville. Petit aparté. Seattle est vraiment une ville magnifique évidemment, on s'est fait prendre par la pluie, comme c'est souvent le cas sur la côte ouest. Mm-hmm. On est allé dans un endroit qui s'appelle Post Alley, où c'est une espèce de ruelle, pas loin du grand marché au centre de Seattle. Et c'est aussi l'endroit où ils ont battu le record Guinness du plus de chic de gomme collé sur les murs. Ah. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, j'en ai mis des photos. C'est un peu particulier, il y a des milliers de boules de gomme chiquées collé sur les murs de toutes les couleurs et ça vient avec l'odeur, c'est assez particulier. En tout cas. Ouais, t'essaies de pas trop te coller sur le mur quand tu passes, hein? C'est ça. Ben, en tout cas, c'était un petit intermède, mais ça m'a beaucoup marqué dans la région de Seattle. Ouais, je peux imaginer, ouais. Qui est pas loin du premier Starbucks en plus. En tout cas, bon, alors ça c'est dit. Donc, comme on a roulé dans la région de Seattle, on est allé dans la ville, on est allé à l'extérieur de la ville. Difficile pour moi de donner une consommation exacte, mais ça s'est quand même bien déroulé et c'est relativement économe, il faut le dire. La conduite est le fun, l'habitacle est assez raffiné. On a vraiment miser beaucoup, beaucoup sur l'usage et l'ergonomie. Oui, bien sûr, il y a des beaux matériaux. Oui, bien sûr, la qualité d'assemblage. Mais tu sais, on s'entend pour dire que c'est un véhicule de 40 000 $. C'est pas un véhicule à 70 000 $, là. Ouais. Donc, ça a les limites que ça impose à ce prix-là. Okay. Mais on a vraiment joué beaucoup la carte du pas du confort, mais de l'ergonomie, de la facilité d'usage. Et honnêtement, ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce système-là. C'est, honnêtement, c'est le seul vrai problème, qui n'en est pas un d'ailleurs, là, c'est la direction. Direction que j'ai trouvée un peu molle, pas directe, pas assez directe à mon goût. Tu sais, là, elle t'empêchera pas de conduire la voiture, mais t'as pas autant de feeling, t'as pas autant de contrôle que t'aurais aimé en avoir. Ouais. Ce qui est un peu le propre des directions électriques, mais on s'en va vers ça partout, là. C'est ça. Ouais, exactement, mais celle-là particulièrement, là. J'ai trouvé qu'elle était très légère, là. Okay. Mais bon, évidemment, disponible en version intégrale si tu le souhaites. Donc, une belle voiture à partir de 37 900 $. Honnêtement, faut que t'aimes le style Cadillac parce qu'on est typiquement dans le style Cadillac, mais si t'aimes ce genre-là, je pense que la XT4 atteint vraiment des nouveaux sommets. OK. Ça va être à voir s'ils vont pouvoir atteindre leur public cible, par exemple. Exactement. Parce que c'est pas tous les jeunes qui ont 37 000 $ à mettre sur un véhicule, mais on verra. On verra ce que ça va donner. Exactement. OK. Fait que toi, t'es allé aussi dans les petits utilitaires sport. Ouais, moi, je suis allé dans l'utilitaire sport luxueux également. J'étais au volant du Volvo XC60, le grand frère du XC40 que j'ai essayé dans la dernière émission. C'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était dans sa version la plus cossue, la version inscription, où vraiment on a tout à l'intérieur des bois, du cuir, un levier de vitesse cristal, c'est confortable. J'avais la version inscription puis avec le ce qu'appelle le T8, donc la version hybride rechargeable. Donc je la rechargeais à la maison, je la rechargeais au bureau. J'ai réussi à avoir une consommation moyenne à la fin de ma semaine de 8,2 litres au 100 km. Pour un véhicule de cette taille-là, c'est quand même assez exceptionnel, mais c'est dû à son rouage hybride, là. Sinon, ça ne serait pas ça. Mais c'est vrament un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est encore là le seul bémol que j'ai pour les véhicules Volvo, c'est le système de divertissement. C'est la même chose que celui du XC40, là. C'est difficile à trouver ce qu'on veut. Encore là, c'est comme je dis toujours, hein, c'est la journée que tu achètes ce véhicule-là, tu vas le connaître sur le bout des doigts après quelques semaines ou un mois, tu sais. Mais quand tu l'as pour une semaine, tu passes à d'autres choses, tu reviens. C'est un peu plus difficile de savoir exactement où les choses sont placées. Puis Volvo rend pas les choses faciles, là. C'est pas bien catégorisé par des sous-menus. C'est un peu pêle-mêle, mais l'autre problème, c'est que tout se fait par l'écran tactile. Donc, si tu veux ta climatisation, tu veux avoir le siège chauffant, le volant chauffant, ben ça se fait tout par l'écran tactile. Puis ben c'est un peu problématique quand il fait moins 40 d'enlever tes gants pour aller dire à l'écran que tu veux te faire chauffer le derrière avec les sièges chauffants ou le volant. Ben, mais bon. T'es rendu princesse. Pas à peu près. Non, mais c'est tu sais, me semble que des boutons physiques pour les systèmes de climatisation, c'est la meilleure chose. T'as pas besoin d'enlever tes gants pour pouvoir faire chauffer. Tu sais, jouer avec le chauffage ou peu importe. C'est la même chose pour le chauffage. Faut que tu joues sur l'écran. Puis l'écran est tactile. Puis normalement, des écrans tactiles, ça à part les gants spéciaux, là, c'est pas tellement gant-friendly, mettons qu'on peut dire. donc, mais pour le reste, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup d'espace, autant pour les passagers à l'avant que les passagers à l'arrière. Grand coffre. Toit ouvrant panoramique de grandeur assez exceptionnelle, ça se rend presque jusqu'à l'arrière. Je veux dire, c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment magnifique. Les jantes sont belles, le véhicule, les lignes, les feux arrière, les phares avant, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment un design. Volvo sont partis de loin, là. Ils sont partis de nous sortir des véhicules qui avaient l'air de boîtes de céréales carrées, à des véhicules qui ont, tu sais, sont quand même assez carrés. On reconnaît facilement que c'est un Volvo, mais au moins on a rajouté des courbes. Les lignes sont vraiment, vraiment jolies. Donc c'est un véhicule qui est vraiment intéressant. Encore là, le problème, est-ce que ça va être la fiabilité? Parce qu'on le sait, Volvo, quand on a parlé de fiabilité, sont pas nécessairement les premiers en haut. Sont situés dans les parties un peu plus problématiques. Mais, tu sais, je veux dire, comme véhicule, là, c'est vraiment, vraiment super, là. Les prix sont aussi un peu vraiment super, là. De base, un XC60, c'est $46,350. Ça, c'est pour le Momentum. Le Air Design est $56,000. Mais c'est pas si mal, ça me semble. Non, c'est pas si pire. Et puis, l'inscription est à $50,600. Pour ce que c'est, l'inscription, franchement, là, puis là, c'est sûr et certain qu'il y a une panoplie d'options que vous allez pouvoir rajouter, là, puis vous allez pouvoir vous monter ça à pas loin de $80,000, probablement, si vous le voulez, là. Mais de base, quand même, un Volvo XC60 inscription à $55,600, c'est bien, là, pour ce que c'est, pour le luxe que ça offre et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais bon, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut se payer ça, mais tu parlais de ton... Tu sais, de ton Cadillac qui commençait à quoi? $45,000, le XT4? Ben, non, 37. OK, lui commence à 46, mais on est une coche au-dessus en grosseur aussi, là. Ça serait plus l'XC40 qui serait dans le créneau de ton XT4, là. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié. C'est un véhicule qui est excessivement confortable. Tous les systèmes de sécurité qu'on reconnaît Volvo pour. Franchement, là, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Très confortable, très beau, très luxueux. C'est ça. Génial, ça. Ouais, une belle petite semaine dans ce petit Volvo. Puis c'est lui que j'ai apporté. J'allais faire un tour chez mon père à Mirabel. Puis quand j'ai parlé de levier de vitesse en cristal, tout le monde s'est pitché dehors pour aller voir qu'est-ce que c'était un levier de vitesse en cristal. Et ont été assez impressionnés par l'intérieur en bois. Il y avait une espèce de trim de bois, mais vraiment pâle, presque blanc, là. Ça ressortait avec l'intérieur un peu plus foncé, puis il y avait des sièges aussi beige, là. C'était vraiment magnifique comme intérieur. Le souci du détail est là, chez Volvo, là, c'est vraiment intéressant, là. Donc, effectivement, non, ça vraiment, c'est effectivement une bonne voiture de ce côté-là au niveau du look et de la qualité de finition. Ils sont définitivement dans le marché. Ouais, super, puis 8,2 litres au 100 km, j'ai trouvé ça excellent. Ouais, c'est assez raisonnable. Ouais, pour cette grosseur-là, là, c'est pas mal bien. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela, mon cher? Ben, ils peuvent commencer par aller voir mon mur de gomme sur Facebook. C'est-tu toi qui as tout mâché et tout collé une par une les gommes qui sont là? Bien sûr. Non, Aïe, mais aïe. sérieusement, ça vaut la peine d'être vu, là. Ouais. Je suis vraiment découragé. En tout cas, Peut-être pas sur l'heure du donc, souper ou du dîner ou du déjeuner, peut-être un petit peu plus tard. non, effectivement. Ouais. Mais oui, effectivement, sur Facebook, c'est probablement la meilleure méthode. Sinon, bien sûr, sur Twitter, Marc souligné Bouchard, sur Instagram, Bouchard souligné Marc, et info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel à laquelle nous répondons tous les deux, mon cher. Bien sûr, il y a Super. aussi mon blog, marcbouchard.ca, sur lequel je n'ai pas été très actif depuis quelques semaines, je dois l'avouer. Bon, tu régleras le problème dans les prochaines semaines. Exactement. Pour moi, c'est sur Twitter, Scalazormo. Il y a aussi le compte Ça roule radio sur Twitter. Ça roule radio aussi sur Facebook. Saroulradio.com, le site web, si vous voulez aller télécharger les émissions directement de là. On est disponible sur iTunes, Google Play, sur deux radios web, Radio Média Plus et sportradio.ca. J'ai aussi un autre projet qui s'appelle Réalité Augmentée où je parle de jeux vidéo et de technologie. En passant, pour ceux qui s'intéressent, j'ai joué à Forza Horizon 4, qui est un jeu de course disponible sur la Xbox One et sur Windows 10, si vous avez un PC sous Windows 10. Et c'est excellent. Si vous aimez cette série-là, ne vous gênez pas pour aller l'acheter. Le jeu sort le 2 octobre. C'est super et il y a des belles voitures et les graphismes sont vraiment, vraiment magnifiques. Et ça, c'est. Puis, Écoute, ouais. la McLaren Senna, là, je m'excuse, là, c'est quelque chose, hein. C'est, ouais, c'est vraiment incroyable. Puis c'est la voiture phare du jeu cette année. Là. C'est vraiment bien. Ouais. Ce projet-là s'appelle Réalité Augmentée. J'ai mon canal YouTube aussi vous pouvez me trouver sur Luc Desormeaux où je mets majoritairement des choses techno et jeux vidéo. Et ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, merci beaucoup d'avoir encore une fois fait cette émission avec moi cette semaine. Et puis, à tous les auditeurs, je vous dis merci d'avoir écouté. On aime bien le fait que vous nous écoutez fidèlement ou sporadiquement comme ça de temps en temps. On apprécie toujours et on se dit passez un beau week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.